coucher avec ma chérie. I love you so much, chérie. What a feeling love with me. Tout is mine, head's black. Tout is so sure. Pourquoi j'entends mon métro? Ah ouais, d'accord, j'ai baissé le métro. Du bist so schön, so wunderschön. Ich will dich in den Armen nehmen. Du bist so schön, so wunderschön, yeah baby, yeah yeah yeah. Du bist so wunderschön. Ça passe en 32. Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. comme je sais qu'il y en a plein qui aiment pas. Michel. Thank you. sur New Southampton. Rohes Fleisch und kalte Luft, das alles mag ich. Rohes Fleisch. Du und